Ratchet. Tout a démarré sur Skyrock, McTyre, Maître Gims, dans Planet Rap. Let's go! Planet Rap exceptionnel sur Skyrock avec McTyre et Maître Gims. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, ouais. C'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue pour cette dernière de la semaine. Le week-end a peut-être commencé pour vous et on est avec McTyre, avec Maître Gims pour cette dernière. Une belle semaine qu'on passe avec vous. Très belle semaine. Ouais, belle semaine où on se replonge sur vos discographies, où on parle ce soir un petit peu aussi de l'avenir, de ce qui va se passer. Ouais. Avec notamment pour la signature de, du label de Gims, Monstre Marin. Et bientôt à McTyre avec cet album qui arrive le 20 avril. Je suis une légende. Je suis une légende à pas louper. Alors j'ai essayé de gratter toute la semaine un autre morceau, parce que le morceau officiel évidemment c'est le Laisse-moi te dire. Très bon morceau avec le clip qui arrive dans une semaine d'ailleurs. Vendredi prochain. À pas louper un clip qui a été tourné du côté de Cuba, qu'on pourra découvrir vendredi prochain. Et donc je disais, j'essaie de gratter, mais a priori On est dur. Ah, vous avez été dur les gars. Franchement on a été très dur, mais partie remise, t'inquiète pas. Partie remise, de toute façon, c'est vrai que le 20 avril, c'est un peu loin encore. Donc il y a des choses qui vont arriver entre temps. Il y aura des morceaux qui arriveront aussi au fur et à mesure. Gims, il y a cette tournée aussi qui débutera le 12 novembre. Exactement. Au Zénith de Nantes, ce soir, tu fileras des full access à tout va. Des full access, voilà, les gagnants du concours. C'est-à-dire que tu vas filer un nom qui correspond à deux entrées full access. Voilà. Donc pour assister avant, pendant et après au concert. Avant, pendant, après. Et tu vas filer access. Toutes les dates à chaque fois, tu vas filer un gagnant. On va essayer de donner toutes les dates. Bah oui, qui viendra avec la personne de son choix. J'ai reçu les noms, donc il va falloir. Et nous, on a explosé les boîtes mail. Mais les chiffres que tu avais donnés la dernière fois, là, c'est dingue. On était à 4 millions de mails. Bon, je n'ai pas caché, il y a eu quelques spams envoyés. Des mecs qui ont renvoyé 100 000 mails pour à tout prix être full access. Est-ce que ce sera les gagnants? On le saura tout à l'heure. Avant la fin de l'émission, on découvrira ça. Tu fileras les noms pour chaque ville avant 21h. Et là, on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine avec vous deux. C'est le replay de la semaine. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. McTyre est là et Maître Gims aussi. De retour, Gims parmi nous. Comment va? Ça va, Fred. Alors, de ce petit séjour cubain? Ah bah, magnifique. Magnifique, franchement, j'avais jamais vu Cuba d'aussi près. C'est impressionnant le charme de cet endroit. T'as l'impression que tout s'est arrêté là-bas en fait. Aussi bordélique que ne plus de cintre. Je ne mens pas, je ne fais pas de feinte. Roule doucement, baisse la vie, frérot. J'aime son cul, j'aime ses gros seins. Toute ta vie dans la bibine, frérot. Chagrin dans la bibine, frérot. Tout le monde se baisse, pourtant les gangsters sont tous des soi-disant hétéros. Tu me donnes des pesos, pélo. 9 double M dans la bouche d'un pélo. Tu me fais du sale, je te fais du sang, pélo. Tu me fais du charme, je te fais du salade. Un général L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Où que vous soyez, vous avez déjà pris vos places, vous les avez précommandées aussi sur le net. Faites une capture d'écran, vous envoyez même vos photos évidemment. Voilà, photos, selfies avec à l'adresse suivante, planetrap@skyrock.com. Vendredi, on fera un tirage au sort et deux gagnants dans chaque ville pour le full access. Pour le full access. Qu'est-ce que le full access? Les gens que je vais recevoir pendant ces jours-là, arrête de dire ça, je vais les mettre bien au top. On va se poser, on va regarder la télé, on va échanger, partager des choses, discuter, se lâcher. On va se lâcher. Laisse-moi te dire que tu perdras. Oui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme. J'ai grandi parmi les douvois. Skyrock à fond dans la turfoie. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. C'est les Planet Rap sur Skyrock. On va revenir un petit peu évidemment sur votre histoire en commun tous les deux. Et puis sur cette signature, Gims. Ouais. Toi, tu le voulais, d'ailleurs. Pour moi, je vais pas te mentir, c'était un peu. Je m'y attendais pas du tout. C'était inespéré, on va dire. Ça a choqué beaucoup de gens. Ça a choqué beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment. C'est l'artiste qui a apporté, j'ai envie de dire, une crédibilité vraiment au label. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de loguets. La tour va encore. Levez les bras si vous êtes forme. Un boy au nord que des gros sous. Pourtant, nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'opé. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Question tient pour vous deux. Il y a un album en commun de prévu. What the Throne. On verra. Peut-être. Qui sait? Ce serait une expérience qui vous tenterait ou... Bien sûr, tu sais, on a tellement de retard sur les Américains. Je pense encore au Jay-Z, R. Kelly qui date des années. Voilà. Laisse tomber. Après, tu vois, c'est des mentalités qui. Best of both worlds. Laisse tomber, ouais. Incroyable. Bref, cet album. Il faut plus de trucs comme ça, je pense.

toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youfois. Skyrock à fond dans la turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. Mac Taylor, Maître Gims, laisse-moi te dire, sur l'album qui sortira le 20 avril sur Skyrock, entre 20 et 21. Et chaque soir depuis le début de semaine, on se replonge aussi sur vos carrières. Alors qui est le premier? Quels sont on met en premier? Gims, Mac Taylor, Vas-y, on met Hier c'était moi. On va se mettre un petit 9-3, tu peux pas test, je l'ai pas mis de la semaine. 9-3, tu peux pas test? Ouais, voilà. Ah, mais il va falloir juste qu'on le récupère, donc le temps. Parce peut-être. Que, sinon, on met autre chose. Non, mais le temps peut-être de parler de ce morceau, 9-3, tu peux pas tester. Parler aussi de l'avenir, parce que ce soir, évidemment, c'est vendredi, on va parler de l'avenir. Donc, ouais. Pour toi, l'avenir, c'est le studio, c'est le mix en ce moment de ton album. L'album, c'est mixé, c'est préparer les nouveaux clips, des nouveaux extraits qui arrivent. Et non, ça va être lourd, ça va être très lourd. Bon, et 2015, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi, parce que c'est vrai que vous êtes aussi dans le textile tous les deux, hein. Il y a la marque Vortex. Moi, il y a ma marque Untouchable. Untouchable? D'ailleurs, où est-ce qu'on peut les trouver d'ailleurs, les Untouchable? À la base, il y a une boutique sur soblog.com. Tu tapes et tu tombes sur la boutique, sur le net. Après, il y a un numéro. Parce que nous, on a fait beaucoup évoluer la marque par le terrain. J'avais fait un concept avec sur Facebook où on avait posté un numéro de téléphone qui était le... Je sais pas s'il est là, mon frère. Hein, je sais plus le numéro, je vais vous le dire après. Bon, on va le récupérer, on va récupérer le morceau. Il y a un numéro qui permet de vous appeler en Ile-de-France et après il y a mes frères et tout. Donc livré à domicile. Qui est livré à domicile, sur les terrains, sur partout. Ah, là. Le numéro arrive, regarde. Voilà, 06 17 15 42 27. 06 17 15 42 27. Tous les Untouchable soldats qui veulent des t-shirts. Donc ça, c'est pour région parisienne. Ça, c'est région parisienne. Après, la boutique, elle est sur net, sur blog.com. Les survêtements sont arrivés, donc vous pouvez appeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les survêtements Untouchable. Très bien. Donc Untouchable et le numéro de téléphone si vous êtes Paris, région parisienne, livré à domicile. Voilà. Mais la marque, elle veut dire beaucoup de choses parce que c'est un truc que j'ai commencé il y a longtemps. C'est pas juste une marque de vêtements, c'est une philosophie que j'ai défendu et voilà, je sais que souvent ceux qui achètent, ceux qui partagent un peu ma philosophie de vie. Voilà. Toi, t'es impliqué aussi sur la confection, sur ce qui sort en collection. Là, je suis impliqué. Là, d'ailleurs, on a commencé. Là, j'ai fait un survêt que je voulais faire à mon image, bien taillé et tout. Et c'est le premier gros truc qu'on a sorti. Et voilà, c'est le développement du textile que je vais essayer de faire pour donc, les prochaines Untouchable années. Untouchable. Pour Gims, il y a la boutique qui est pas très loin de Skyrock d'ailleurs, pour ceux qui viennent en région parisienne, à Paris, ici, rue Tipton. Voilà. Toi aussi, pareil, c'est un truc, tu t'impliques dessus aussi, justement. Oui, sur, carrément, ouais. C'est carrément. Pas juste pour balancer une marque. Non, c'est pas juste comme ça. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai cette idée-là de créer mes vêtements, tu vois. Donc, j'en ai profité une fois que j'ai lancé ma carrière solo, etc., pour faire ça. Donc, la marque, c'est Vortex. Hein, Vortex, voilà. On peut trouver aussi pareil sur le net pour ceux qui peuvent passer. Voilà, sur le net, il y a la boutique un peu partout en France, dans les grandes surfaces, Gémeaux, Sport 2000. Toi aussi, c'est un peu comme Mac Taylor. Est-ce qu'il y a une philosophie aussi? Est-ce que voilà, oui, y a Vortex, ça aussi. C'est une philosophie. C'est le fait de justement, hier on parlait de game changer, de passer dans une autre dimension. Bah c'est ça le Vortex, tu vois. C'est le fait d'être déconnecté, de passer dans une autre dimension, tout simplement. Ce qui est mon monde, tu vois. Quand tu rentres dans le Vortex, t'as plus de réseau, y a plus rien, tu vois. T'es dans le vortex. Voilà, ça résume. Voilà. Bon, là, en attendant, on va repartir dans le vortex et dans l'Untouchable, surtout avec un morceau. On l'a, le 9-3, tu peux pas test? Allez, 9-3, tu peux pas test. Okay. C'est vrai qu'on l'a pas passé de la semaine. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. À tout le 93. 9-3, tu peux pas test. Le périph' sort porte de la villette, mais la centrale est fait belette au vol à la portière.

Eric, voilà, t'aimes aussi cette vie de quartier. Ouais, c'est quelque chose qui tient à cœur. Je me souviens qu'on avait fait un Planète Rap, t'es devenu avec le maire d'Aubervilliers. C'est vrai. À l'époque. Et qui a changé. C'était fort, hein, c'était fort. Ouais, je me suis fait sauter, là. Il a raté, là. Il a loupé une marche. Non, mais voilà, en tout cas, il y a un côté aussi, voilà, un côté là-dessus important. Ouais, c'est vrai. On vient d'Aubert. Quand on vient d'Aubert, on est fiers d'où on vient. Et voilà, c'est. J'ai envie que j'ai essayé pendant plein d'années d'essayer de ramener des jeunes d'Aubervilliers qui rappent, tout ça. Après voilà, je suis d'accord, à envie, j'espère qu'il y aura un jeune d'Aubervilliers qui va percer dans le rap après moi. Et voilà, c'est ce que j'aimerais bien. Bon, moi, tu c'est ce que j'aimerais certainement. Ouais. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Bon, on va revenir dans un instant. Gims, on mettra un des morceaux de quoi on va partir sur section. Ouais, avec section d'assaut, je pense. On va se plonger dans quelques minutes. On a posé. Je reste debout. Je reste debout. Ah, il est ouais. Ouais, c'est très, pareil. Très c'est un morceau qui a été important, celui-ci. Ouais, c'est un morceau important de l'album L'Apogée. Ouais. De l'album L'Apogée. Mmh. Il a été fait pendant la tournée en Afrique. Je me rappelle, c'est donc plein de souvenirs, plein d'émotions, plein de sincérité, de morceaux. Donc. Morceau qui me touche beaucoup. Et bah bougez pas, dans un instant on filera aussi la réponse des Full Access dans quelques minutes. Je sais que vous demandez, ne bougez pas, ça arrive sur Skyrock. On revient après ça, le Planet Rap, Mac Taylor, Maître Gims, le retour. Yes. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap. En direct avec Fred sur Skyrock. Ladies and gentlemen, ce soir, Skyrock reçoit Mac Taylor, Maître Gims, pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. Retour au Planet Rap, Maître Gims, Mac Taylor et ce morceau Je reste debout, extra de L'Apogée. Dédicace à toute l'Afrique. Pambolanga Nzambe Pambolanga. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Les épreuves, on ne cesse d'en versera. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. Mais on reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on sait à quoi servent les coups. Les soucis m'empêchent de me coucher aux heures des boules. Je me repose seulement quand les frères ou les sœurs m'épaulent. On serre les dents quand se resserre les taux. On dissimule la fatigue malgré les serres, les taux. Les genoux à terre, ce n'est pas les coups. Je suis comme le daron. Harry, je reste debout. Inch'Allah, j'en arrive pas à me suicider. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Mes cicatrices sont comme mes larmes. Trop de fierté pour que je te les montre, même si j'ai mal. Une grosse pensée à ceux qui ont perdu un proche. Tiens à dire à la famille qu'elle est à qu'elle s'accroche. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Sous yeux, t'as des dettes partout. Heureusement que t'as des potes. Tu vends la go, va tes rêves avant qu'elles se décotent. En parlant de cote, la tienne en a pris cher. Sur liste rouge en Banque de France, on te voit comme un tricheur. Mais tant pis, demain est un autre jour. Pas le genre à appeler au secours, ni attendre l'autre joue. Très peu de larmes, les factures sont assez salées. Ils ont sucré ton salaire, c'était la diète toutes ces années. Heureusement que t'as la foi, du suicide tu prends pas la voie. La déprime veut un air dead, mais tu veux pas la voir. T'as le sourire, pourtant c'est ton estime qu'on viole. Mais tu fermes ton cœur, de peur qu'on cambriole. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Reste debout. Reste debout, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. À tous les Africains de France. Ils sont aussi dans le studio. Yeah. Regarde là, il y a tous les petits frères d'Aubert, ouais. Tu vois, c'est un son qui les touche. Qui touche, ouais. Je reste debout, ouais. Tout le monde cherche à rester debout. Voilà, extrait de l'apogée celui-ci. Voilà, pareil, un grand souvenir. Grand souvenir, ouais. Dans quelques minutes, on repartira sur un des sons de Mac Taylor. Tout se paye. Tout se paye, ouais. C'est ce qu'on mettra. Ça, c'est, d'ailleurs, on a pu croire que c'était le premier extrait de ton album, celui-ci. Non, ce son, c'était juste pour se serrer la main et dire nous partons pour une nouvelle aventure. D'où tout se paye. Voilà. Je vois Gims qui va. Ouais. Et Ariane, n'en parlons pas. Ouais. Tout se paye, même la signature de Mac Taylor. Sur le label Monstre Marron, on écoutera ce morceau dans quelques minutes. Juste avant, on est avec un grand fan de rap français qui vient souvent rapper dans l'émission. Il s'appelle Kéfir, Stéphanois. Comment ça va, Kéfir? En pleine forme? Oui, nickel. Il sort les blazes. Il sort les blazes il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'est son grand délire, Kéfir, l'aime bien. Bon, bienvenue, Kéfir. J'adore. Bon, tu dois être content, ce Planète Rap, avec Gims, avec Mac Taylor cette semaine. Ouais, bien sûr. Mac Taylor, je kiffe bien. Hein. C'est bah, Gims aussi. Hein. Mac Taylor, je connais depuis longtemps, forcément, parce que il est un peu plus vieux, je pense, non? Ouais, mais bien sûr, légèrement. Et du coup, oui, j'ai suivi un tandem. Ouais, tandem, etc. Le son avec Sunkai, il me semble, non? Ah ouais. Non, mais je te dis, Kéfir, tu nous as sorti Sunkai. Un morceau des catacombes, frère. Dédicace à Sunkai, ouais. D'ailleurs. J'aimais bien vraiment leur délire un peu raga. C'était très fort, hein. Dragon Davy. Dragon Davy, ouais. Voilà. Dragon Davy, il continue encore. Dans le salut, en tout cas, on salue Sunkai. Et Maître Gims, bien sûr, lui, je crois que c'était le. J'ai découvert un son avec Koma. C'était. Ceux qui dorment les yeux ouverts. Voilà, exactement. C'est un bousier un peu. Hein, c'est un vrai de vrai. Ah, Kéfir, tu peux pas le test. C'est un vrai de vrai. Kéfir, 4-2, tu peux pas test, pareil. Il donne des refs, frère. Des vrais refs. Eh ben, on va t'écouter rapper maintenant, mon pote. Yes, je vais essayer. Allez, essaye, c'est la session freestyle par téléphone avec toi, Kéfir. Yo, ok. Kéfir, one mic, yo. Si je fais un tabac, les jaloux mettront un nicopage, trop tard, qui va l'ouel ou bave quand le bico tchatch. C'est le vide total, t'es son mec, ton faux fignolet, t'es l'éric. Si tu me portes l'œil bidon, mais on peut ignorer ton iris, c'est la tchat, roulette russe, ton pété une boulette de plus, c'est du fat que j'excuse. Brûler ta brochette de gus, garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, c'est la French touch à la hauteur. Comme l'a dit Nelly, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au pento, je suis classé hors mode, en hors bord, je vais surfer sur mon vague à l'âme, balancer du haut de gamme. Trempe, petit padawan, c'est le one mic, Marshall, Médric et le pitre. Wallah, on prend le time pour t'extirper le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Pire cauchemar comme Freddy, coup de griffe dans les gosiers. Tout mon sac j'ai pas des balles, ce sont éteints pas des calés. Pas des femmes demandent des tailles et bras et croyant que j'allais pas dégaler. Envoie le beat crade que je puisse l'étaler. Mettre une tannée, stannée, celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es. Amanda lire, tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu manques pas de touper. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est bêté, tu me redoutais, tout est sur le level, ton coup dégoûté, voulait tous me shooter. KFYR, Anissa, Adzi, Zizi, Racine, San, Louis, Guyonnais, WAP, P50, P50, Caroline Ronce, P50, Caroline Ronce. KEFYR, one mic, KEFYR. Merci, yes, à tous. Kéfir à l'instant. Quel flow. Tu es fluide. Tu es fluide, comme Nas is like. comme Nas I can. Aussi, voilà. Ah. Yes, we can. Merci à toi. En tout cas, Kéfir, petite dédicace, petit message à passer, on t'écoute. Retrouvez-moi sur Facebook, KEFYR, je suis nul au niveau de ma promo, je suis vraiment nul. Donc KEFYR, retrouvez-moi sur Facebook, il y a des clips, il y a des trucs, à toi l'auditeur qui hésite, ne t'inquiète pas, j'ai des petits bonbons pour les petits enfants. J'espère même pour les plus grands, Kéfir, ça nous arrangerait. Ouais. Bon, on te souhaite une bonne soirée en tout cas. Il n'y a pas de problème, merci à tous et vraiment bonne chance à toi Mac Taylor, le général. Merci mon frérot. Merci à toi. Et la sortie le. T'inquiète pas, c'est un classique qui arrive. Ah, Bigon dédicace. Voilà, qui est dans le coin. Et le 20 avril, donc la sortie de Mac Taylor. Merci à toi, Kéfir, sur Skyrock, c'est le Planète Rap, avec Mac Taylor et Gims. Yes. Mm-hmm. Et on va rattaquer avec Tout se paye. Tout se paye. Allez, c'est parti maintenant. Fuck le rap game, El Generale, Chico, ça vient d'Aubert, yeah. Tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. 9-3. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tu marches sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas moi que de cash. Violent comme un grand fan de calage. Les gars descendent chez moi, j'ai pas le temps de dire qui va là. C'est la merde, elle est dans la deux portes. Tout le monde attend jusqu'à la mama. Balade, balade. Son comme un samouraï et salam. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. Autant plus triste que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Aïe. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Au quartier ça craint, mais je n'aime pas dramatiser. Je n'aime que traumatiser, voilà, et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter, c'est toi qui vient du continent. Moi j'ai la racaille, ambition, on va la pécrire dans tous les bâtiments. Patrouille, craque, coin de rue, OD, guetteur en stun. Difficile de faire son genre, hein. Surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions, tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter le petit frère du ghetto. Nous on investit au double, l'Amérique c'est pour les autres. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Tout se paye à l'instant dans une ambiance folle dans le studio. Yes, yes, yes, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Untouchable Soldiers qui sont là. Untouchable Soldiers. Ils sont là, ils sont là, ils sont très en forme. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Et tout se paye. C'est le zénith là. Ah, tout se paye, c'est un gros son, c'est une grosse décharge d'émotion et ça met la patate direct quand tu le mets en voiture. C'est vrai que tu le ressens d'ailleurs pour le week-end. Tout se paye à l'instant. Mac Taylor, vos réactions avec le hashtag aussi Mac Taylor et Gims sur Skyrock. Dans un instant, la liste des gagnants donnée par Maître Gims. Wow. Yes. Les Full Access. Juste avant, on va se replonger aussi dans ta discographie à toi avec un extrait de Subliminal. Ouais, un extrait de Subliminal. Donc ça, c'est un morceau pareil qui a marqué dans une... C'est un morceau qui a marqué, ouais, personnellement, ouais, dans j'ai ma carrière. Il y a eu beaucoup de demandes d'ailleurs là-dessus qui sont tombées cette semaine. Donc c'est MPS. Murder. Murder by Strangulation. En anglais, puisqu'il y a la version internationale. Murder by Strangulation, le titre est un peu cru. Mais voilà, il y a plein de messages dedans. C'est une poésie en fait. C'est un message subliminal dedans. Et bon, on le balance ? On le balance. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Subliminal ! Make you what I know. Fente, mets ta tête au sol, penalty. Bienvenue, t'as le choix entre batterie. Ici, on apprend à tes connaissances. Entre ceux qui touchent le fond sont souvent ceux qui poussent le plus la faute. Des idées mais pas les fonds. À qui la faute? Je veux pas dormir sur le dos, le diable posé sur le plafond. Des idées mais sans budget. Je suis peiné, ça m'inquiète. Pendant que les employés tiennent des mange le pénis à Mickey. Je me suis dit ça sent le rosé. Ma Barbie veut le raser. Pourtant les filles de ces racistes me demandent mon 06. L'objectif n'a pas changé. Direct capitulatif. Vivre et mourir entre amis. Vivre et mourir en camis. Car Paname est magique, moi tu es illogique. Je fonce les portes alors que je le visite. Je suis l'homme à battre, vous avez du rattrapage. Je suis pas le fils de papa. Boum, t'as gagné, gagné, gagné. Et ma main engage. Je crois qu'il commence à gagner. Si le pic bleu noir là là sur les cahiers. Je kick, appelle-moi la machine. La zone est suspicte pour les refs. Facile du qui déboule à la magie. J'ai un cœur de pierre. Bien sûr. Mais laisse-moi préciser que c'est une pierre précieuse. Muggy Wadano. Pas de bol. J'ai vu des bêtes où y'a pas. '93 au beurre. Fente, mets ta tête au sol. Penalty. Bienvenue, t'as le choix entre batterie. Ici on apprend à décoller sans atterrir. Est-ce que Usain Bolt court plus vite que Penalty? Murder by strangulation. Murder by strangulation. Murder by strangulation. Murder by strangulation. Murder by strangulation. Murder by strangulation. Murder by strangulation. MMC, MMC. Quelle ambiance ce soir avec les mecs d'Aubervilliers. Exceptionnel. Avec un son le véritable. Lourd. C'est Bandal. Soit qu'on peut dire que ta tournée officiellement lancée un soir, hein, Gims. Ça fait plaisir, franchement, c'est bon. Pratiquement un Bercy. Ce soir dans le studio. C'est entre Bercy à Planète Rap. D'ailleurs, Bercy à Planète Rap, je crois qu'on a une petite surprise, un live ce soir. Un petit live avec l'Untouchable Soldat, la verte, ils sont tous là. Donc préparez-vous, les gars. Vous êtes sur les soldiers. On va y aller dans. On va y aller dans un instant. Il va falloir mettre un bon 10 minutes d'instru là. Tu connais les ambiances où tu rentres, toi, l'instru est fini. Écoute, on a une instru, donc à la limite, on la fera retourner 2-3 fois. Voilà, voilà. Juste un dernier mot quand même, Jim, sur toi, puisqu'on a parlé avenir avec, avec Mac Taylor. Toi, l'avenir, c'est. Bah, écoute, l'avenir. Le concert, je sais, mais. Non, ce que je voulais, c'est parler un peu plus sur toi, sur le label Monstre Marin, sur ce qui va se passer. Donc, il y a la sortie de Mac Taylor. Voilà. Donc, toi, t'es en studio, mais il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien de précis encore. Pareil pour, moi, pour Section, sûr, on a parlé à un moment du retour des rois. Voilà. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Il n'y a rien de précis de ce côté-là. Donc, on va parler des choses un peu plus précises. Mmh. Donc, on a Mac Taylor qui arrive le 20 avril. Je suis une légende. T'as d'autres artistes aussi du label. Mais bon, il n'y a pas. Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas les gens, voilà, il n'y a pas encore de date. Là, ce qui est vraiment sûr, c'est Mac Taylor. On a le clip qui arrive vendredi. Oui, c'est dans une semaine. Dans une semaine, le clip arrive. Il a été tourné à Cuba. Le clip est exceptionnel, il est super lourd. Donc voilà, on est sûr. Laisse-moi te dire. Ouais, laisse-moi te dire. Voilà, le clip a été monté à merveille. C'est vraiment, on voyage quand on est ailleurs, et c'est vraiment, on respecte. Je pense que le clip élève davantage le morceau. Le clip élève vraiment le morceau. Il le représente super bien. Bon, il faut découvrir ça, hâte de le découvrir d'ici une semaine. C'est grave. Et bah, dans une semaine, on pourra découvrir les images de Laisse-moi te dire. Avant de se quitter live, donc avec l'équipe d'Aubert. Ouais. Vous êtes prêts, les gars? Je pense qu'il y a un saut aussi. Et on fait ça dans un instant. Allez, c'est parti quand vous voulez. Comment dire, c'est la verte. Malgré les armes, j'attends les ponts. Sors la calache ou sors le pont. Vise la ganache, vise pas les ponts. Putain, ganache, ta meuf te trompe. Oui, oui, ta meuf te trompe. J'ai pas de gros sous, mais je cache, je paye. J'ai des gros bras, j'en cul popaye. T'es de nerveux dès la maternelle. J'suis plus un morveux, j'suis pas fermé. Un prolique de Serbie. Une bécane de Serbie. Un plavant, bien garni, tout le monde un plavant. Où je tire, donne-moi mes levées. Que je me tire, que je partage, que je tire. Bang, bang, que je tire. T'as que tu rap pour l'arrivée, on t'a doublé. Doublé. Bienvenue où ça donne de la frappe au bébé. Au bébé. Tu jacques sur nous, tu cherches les problèmes. Problèmes des problèmes. T'as voulu plus le touch up les charges à double. Double. Bang bang. T'es dead, t'es sous mes semelles. Nan. Nan. On tire pas dessus pour un 10 décès. Prépare-toi au pire si rentra ton canne à la pointe en plein mois de décembre. Bang, bang, bang. Lève ta main, tu veux qu'on descende. Celui qui veut se baigner dans son propre sang. Et ça c'est preuve avec un bidon d'essence. On s'investir un calme puissant. Ralphine, GP 800. En temps facile, ramasse encore des bateaux pour faire des descentes. On est fous, on est des hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Fusil, pas masse, fusil. On est fous, on est des hommes de main. Hommes de main, hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Hommes de main, hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Aubervilliers, c'est nous les pères. Les meilleurs, c'est nous les meilleurs. Laisse ta fille et on l'a. Nous les meilleurs, ne crois pas que toi tu perds. Nous les meilleurs, balance sur ma tête, je me perds. Nous les meilleurs, ce soir j'ai du boulot. On fera fade sur une moto. A toi tu voles le logo. Nous les meilleurs, on fait des soupirs pour l'auto. Ghetto, ghetto, ghetto star. Ballon, béton, ghetto star. Dors pas la night, je suis l'état. Laisse ta femme, que quand tu fais tard. Que quand tu fais tard. Que quand tu fais tard. Big up à Ibia. Garde la pêche au star. Ok. Le ciment est lourd comme un fusil d'assaut. J'arrive tout dit dans la rue, tout c'est normal, je sors du vaisseau. Rappeur de merde. Le premier qui pleure, j'en pleurer sa mère. Tu le vois comme ça, y'a que des mecs d'auber. Vas-y, lève les index et fais une bang bang en l'air. Bang bang en l'air. Si t'es d'auber et que tu supportes les vrais. Ils ont testé l'équipe, ils ont peur, on est frais. Ils avaient pas qu'à le faire. Refait. On fait de la prison ferme. Refait. Bang bang pour Sougoun, Boulaï, Bachiche et Chico. On est fous, on est des hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Hommes de main, hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Hommes de main, hommes de main. On est fous, on est des hommes de main. Bang, bang, bang. Ta grandeur de queue de crin. Bang. Ouais, c'est la verre. C'est la thé verte, normalo. Oui, on fait du sale, on n'est pas des petits. Au mic, on s'accroche en attendant la sortie d'Iki. Oui, on fait du sale, on n'est pas des petits. Au mic, on s'accroche en attendant la sortie d'Iki. Oui, on fait du sale, on n'est pas des petits. Au mic, on s'accroche en attendant la sortie d'Iki. Oui, on fait du sale, on n'est pas des petits. Au mic, on s'accroche en attendant la sortie d'Iki. Ouais, la verre. Ok, ouais, Alouette, tout le monde, les mecs de Villepac, Fleury, Aubert, les mecs calme. De Fleury, Montrival, Coff, Coulon, Dino, Mutu, la session live, calme. À l'instant, dans Planète Rap. Merci à vous, messieurs. La session live, ça venait d'Aubert à l'instant Gims. Quelle ambiance dans ce studio pour conclure ce Planète Rap. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, peut-être même, laisse-moi te dire, avant de se quitter dans un instant, il est grand temps, je crois, Gims, de révéler ceux qui vont aller en full access. Donc ils vont assister avant, pendant et après au concert de Gims. Merci pour le petit jingle full access. Donc tu nous donnes les dates à chaque fois de concert, là où tu vas te trouver à partir du mois de novembre, et le prénom. Et le prénom. Et le prénom de la personne qui ira avec la personne de son choix au concert. D'accord. Avant, pendant et après. Donc, pour le Zénith de Nantes Métropole, le 12 novembre, c'est le gagnant, c'est Malcolm. Ensuite, bravo Malcolm. Le 13, toujours novembre, le 13, Zénith d'Orléans, Yanis. Bravo Yanis. Ensuite, le 14, Zénith Arena à Lille, Thomas. Thomas, au top. Le 17, Zénith de Caen, Asia. Access. Full access. Zénith de Dijon, Nathalie. Full access. Marseille, le Dôme, Laetitia. Full access. Palais Nikaya de Nice, Bilal. Pas bravo, full Bilal. Access pour Bilal, non. Wow, bravo Bilal. Sinon on peut alterner. Summum à Grenoble. Océane. Full access. Zénith de Verne, Violette. Full access. Faut être calé pour le faire, hein. Parc et Suite Arena Montpellier. Full access. Voilà, on est bon. Zénith de Limoges, Corentin. Full access. Zénith de Rouen, Nicolas. Full access. Zénith de Nancy, Samir. Full access. Zénith de Toulouse, Théo. Full access. Patinoire, Mériadec, Bordeaux, Karim. Full access. Ils sont pas calés, les gars. Le Music Hall, Rennes. Full access. Vincent, c'était Vincent, ça. On a dit full access pour nous. Et pour le Palais Omnisport de Bercy à Paris, attention. Diego. Oh, Diego.

Là où je suis né, tu sais, Mike Taylor. J'ai dit qu'à ça. Je sais, ah, c'est même à l'école là-bas. À la Roseraie. Moi aussi, je suis né à la Roseraie. Je suis né à la clinique de la Roseraie. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Bien sûr, ah, on est né au même endroit. Oui, voilà. C'est fou, hein, comme parfois on se rencontre et là on se retrouve au même endroit. Ah, ouais, quelques années après, quoi. Ouais, ouais, Rudy. 10, 15, beau, 20 ans après. Bien sûr, Rudy. Mais c'est beau, comme quoi. Et bon, salut Aubert en tout cas. Voilà. Salut Aubert, Paris. Et Paris, toutes les banlieues de France. Gims, merci à toi. Il y a plein de gens heureux aussi. Ouais, le full access est terminé. Les full access. Et là, juste avant de se quitter, on finit une dernière roulette, la dernière de la semaine pour des places pour Black M cette fois-ci. C'est parti, on fait tourner. Skyrock offre la tournée de Black M dans toute la France. Avec Victor de Lyon. Salut Victor. Salut Fred, salut Mac Taylor, salut Gims. Et bah Victor, tout le monde te salue aussi, Mac Taylor, Gims. Ça va Victor? Ça va, tranquille? Ça va, ça va. Et bah nous aussi, fin de semaine, prêt à faire tourner la roulette. Ouais, tranquille. Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette tourne. Et va s'arrêter pour toi sur la case C. Et ben voilà, Black M à Lyon, halle Tony Garnier, le 29 avril prochain. T'as tes deux places, ça y est, c'est fait, c'est pour toi. Eh ben, ça roule, merci Fred. Passe un bon concert, merci d'avoir été je avec peux nous. Passer une petite dédicace, ouais, on t'écoute. Bah, déjà, je te passe une dédicace à toi, Fred, parce que tu m'as fait découvrir plein de tons et je te remercie pour ça. Ah bah, ça me touche. Touchy. Merci voilà, à toi. Dis-toi, j'ai encore la pochette de Planète Rap Millennium avec ta face dessus. Waouh! Tu t'en rappelles ou pas? Non, bah, bien sûr. En ce moment, il n'y a que des connaisseurs. Ah ouais. Ah ouais, celle-ci, la Planète Rap Millennium, fallait s'en souvenir. C'est vrai que j'étais magnifique dessus sur la pochette, tu as raison. J'ai encore, et tu vois, je te remercie pour ça. Et bien, à Mac Taylor et à Tandem aussi. Merci, merci. Merci. Et à Jims et à tout WatchIB, toute la section. Eh ben merci à toi, ça me touche vraiment. J'ai juste demandé un truc vite fait. Si Gims pouvait faire une dédicace pour ma chérie Mégane. Eh ben attends, Gims il est en train de dire au revoir dans le couloir. Sinon tu sais quoi, on s'arrangera, on enverra directement à Mégane, t'inquiète pas. On enverra un petit truc dédicacé pour Mégane, t'inquiète pas, ok? Dédicace à Zaza, à Rabi, à Benji qui a son permis poids lourd. Waouh. À Mégane, ma chérie que j'aime très fort. Et à toute la famille. Et surtout à toi Fred, je te redis encore, mais Fred tu m'as fait vraiment découvert du show. Arrête, je vais rougir. Non, arrête. Les Planète Rap, les Nocturnes que j'ai écouté quand j'étais plus jeune, et franchement voilà. Et bah ça continue aussi tout à l'heure la Nocturne. Merci à toi Victor, merci pour ce Planète Rap, merci à Mac Taylor. Pas de soucis. Merci à Gims aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine entre 20 et 21 avec Alonso qui débarque. Grosse dédicace à Alonso. Et ce sera lundi. Et sinon Nocturne tout à l'heure juste après Difool. Difool qu'on retrouve maintenant. Et oui, c'est parti, c'est la radio libre. Et bah oui mon frère. Ciao. La radio libre et toi donc juste derrière tu l'as dit pour la nocturne de Planète Rap à pas louper. Ouais. Grosse émission ce soir. Wow, il y a même Bruno Mars et Mark Ronson qui arrivent. Poulou, exactement Romano. Bon, on va démarrer avec Bruno Mars et Mark Ronson tout de suite. Ouais, Uptown Funk. Et puis ce soir, donc, grande soirée spéciale. On va parler de plein de choses ce soir. On parlera des phobies. Si vous avez des phobies, vous pouvez nous dire dès maintenant. On va parler teuf également parce que c'est vendredi soir. Et c'est la grosse teuf. Et DJ Momo est là. Et Momo aussi avec les glaçons. Oui. Momo. Tiens, Luc va nous parler d'une grosse teuf. Et ça fait cul à l'envers. De ce week-end. Pour le reste, Pamela vient nous rendre visite. Le clash de la drague. Cédric gagnera-t-il son 4e clash? Non. Ouais, on saura tout ça dans la soirée. Cédric, de toute façon, on avait promis une embrouille avant la fin de la semaine. Comme on est vendredi, t'es obligé de t'embrouiller. Hein. Ouais. Une embrouille de Cédric à retrouver. Bon, on arrive tout de suite sur Skyrock. Bougez pas, Mark Ronson et Bruno Mars pour démarrer. C'est Uptown Funk.